In this third dialogue, you'll hear two new words. Cinq, which means five, and semaine, week. Une semaine. A week, or 1 week. Listen to both words again and repeat. Une semaine. Cinq. Here's an example of how they might be used in the context of booking a room. Listen and repeat. J'ai réservé une chambre pour une semaine. J'ai réservé une chambre pour 5 nuits. And now here's the third and final dialogue. Numéro 3. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'ai réservé une chambre au nom de Diderot. Diderot? C'est ça, Diderot. C'est D-I-D-E-R-O-T. Ah oui, monsieur Diderot. Une chambre avec douche pour 2 personnes, pour... Non, ce n'est pas pour 2 personnes. Non? Non, j'ai réservé une chambre pour 1 personne. Pardon, monsieur. Une chambre avec douche pour 1 personne pour 3 semaines. 3 semaines, non. Non? Non, pas du tout. J'ai réservé une chambre pour 1 personne pour 5 nuits. 5 nuits? Oui, 5 nuits. Pardon, monsieur, je ne comprends pas. Vous êtes monsieur Diderot? Bien sûr, monsieur Alain Diderot. Alain Diderot? Oui, madame. Vous n'êtes pas Pierre Diderot? Pierre? Non, madame. Je m'appelle Alain. Ah, maintenant, je comprends. Je crois. Diderot Alain? Ah, voilà. Pardon, monsieur. Monsieur Alain Diderot. Une chambre simple pour 5 nuits. D'accord? D'accord.